Bande kobabolingo, to sepelisa kibino lobby na Opera Night. Lelo toko tuta musique yawa na Bataclan. Bisoba musicien nyo soya UMC France. To sanganyawa poto sepelisa bino lelo. Du bongo ba mission ko banani kodi. Président ya UMC, Théo Blaise Koukou. Le grand Chico de passage à Paris. Balou Kanta, l'enfant terrible. Asidjo et Pucha. Grand Yesu 3S, Du Soleil, Krunganga, Mundana Bisso, Kunku de Rivera, Na Baninganyo Soboto Tangite. Bon, na Monique Bobandiko Lemba, Bozela Kipu Mingi. Bon, na Monique Bokola Tobanda. Master Mona Congo, Kadem Pembana Bisso. Est-ce que Toko Banda ou bien Toko Banda te? Téléphone, pirate, Simba rythmique malamu, toke sikoyo. Ma.